territoire de Juda est décrit. Les limites, les villes, les frontières. Chaque pierre posée sur la carte raconte l'héritage sur la terre. Mais au cœur même de Juda, une ville résiste encore. Jérusalem reste entre deux mondes, comme une promesse qui attend son heure. Tout héritage n'est pas toujours entièrement possédé dès le premier jour. Tu nous donnes un héritage, mais tu nous invites à le garder, à le bâtir dans la persévérance, à le défendre dans la fidélité. Tu nous donnes un héritage, non pour la facilité, mais pour apprendre à marcher longtemps sous l'autorité de ta vérité. Axa demande une nouvelle source. Elle ne se contente pas de la rive. Et tu montres que ton héritage n'est jamais une terre stérile. Tu réponds à ceux qui osent demander, à ceux qui ne vivent pas à moitié. Car l'héritage le plus vivant est celui que la foi ose réclamer. Tu nous invites à le garder, à le bâtir dans la persévérance, à le défendre dans la fidélité. Tu nous donnes un héritage, non pour la facilité, mais pour apprendre à marcher longtemps sous l'autorité. Tu nous donnes un héritage, ta promesse appelle.